CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Laurent Constantin sera avec nous pour parler d'actualité dans sa chronique Voyage au centre du campus. Maxime Tanguay effectuera son retour dans l'équipe avec une toute nouvelle chronique musicale et je vous donnerai quelques façons de mieux vivre dans les instructions d'Assemblage. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 16 septembre 2013. On est en direct et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, je sais, Jean-Philippe Chabonneau, je suis de retour. Oh oui, de retour. Ben, explique-toi nos petits requins qui se souciaient de ton bien-être, Jean-Philippe. T'étais pas là mercredi et jeudi dernier. Non, ni vendredi au bureau. Il y a ça aussi. Non, mais... Ni samedi et dimanche parce qu'on travaille pas. Oui, exactement. C'est ça. Mais là, de retour, encore un petit fond. On l'entend un petit peu, un petit fond de cendrier. Oui, de cendrier, de butch. Je suis ta marchandise. Donc, c'est une petite sinusite qui m'a pogné comme ça. Pan, d'un flanc. Ouais. Sinusite d'un flanc. Jamais 203. Oh! Ah, okay. Donc, ce matin, ça va mieux. Ouais. Un petit chmouchi encore de temps en temps. Okay. Encore sur des congestionnants, les antibiotiques, mais ça passe. Ça okay. passe. On va te souhaiter que ça continue comme ça. Hein? Oui, fait que ça se peut que je te conte une histoire puis qu'à un moment donné, je fasse Mathieu, finis l'histoire! Faut que j'aille me bouger! Ou que tu manques une demi-chronique à cause de ça. Oui, puis que la porte est barrée. C'est ça. Comme un petit chat qui veut rentrer. Petit chat! Ah oui, donc aujourd'hui à l'émission, Jean-Philippe, je te renseigne. On va voir Laurent Constantin à 8h30 avec sa chronique Voyage au centre du campus. Lui, qui a commencé sa première chronique jeudi dernier. Oui. T'étais pas là, mais il a comme repris la chronique qu'il avait ratée lundi. Bref, on s'en fout un peu. Mais il va être de retour pour une deuxième aujourd'hui. On est à jour. On va être à jour, exactement. Ensuite de ça, à 9h, on devrait avoir Maxime Tanguay, notre ancien chroniqueur, maintenant de retour. Mm-hmm. Après une session complète, ou même peut-être deux. Non, je crois que c'est juste une d'absence. Il était là à l'automne 2012. Oui, puis il a été avec les palmarès. Oui, il a collimé les palmarès pendant un certain bout de temps. Oui. un court laps de temps. Sinon, en début presque d'émission, dans une vingtaine de minutes, on va faire les instructions d'assemblage. C'est la chronique des trucs et astuces. Chronique que j'adore. Ah, c'est le fun. Tu manques pas ça? Non, je la manque pas. Sois content. Heureux. Je suis content d'avoir quelqu'un à qui l'affaire cette fois-ci. Voilà. Donc, on va commencer l'émission en musique. Et comme on le fait pas mal toujours tous les matins, on va débuter avec cette fois-ci Michel Aud. Oui. Reprend une chanson, un classique, là, These Boots Are Made for Walking. Oui, puis c'est une nouvelle entrée du palmarès, je crois bien, si je vous ai bien entendu jeudi. Tu as tout à fait raison, puis si jamais vous voulez entendre les autres nouvelles entrées du palmarès, les Palmarès C'est Fou édition New Shit, oui. C'est ce soir à 17h. Oui, jusqu'à 18h. Et voilà. Donc on commence avec ça, puis après ça, ben, l'émission continuera. Ben oui. À bon fait. Et ce jusqu'à? Jusqu'à? Jusqu'à? Jusqu'à? Vitam aeternam. Oui. Ça coule comme du mucus sort d'un nez. Ça peut. Comme ça te coule dans le fond de la gorge. Je t'ai appelé Jean-Philippe Charbon-Mucus à la place de Charbon-Mucus. Charbon-Mucus, tu me dis que tu n'as pas d'autre fille. Je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi et tu ne sais jamais où. Pour te quitter. L'homme éléphant. C'est homme éléphant, je pense, en fait. El Motard, qu'on vient d'entendre, Assemblage requis. Colin, nouvelle entrée du palmarès. Oui, et juste avant, c'était Michello avec Ses bottes sont faites pour marcher. L'homme éléphant, c'est bien le nom de la pièce. L'homme éléphant. J'étais entre l'homme éléphant et je t'aime comme un éléphant. Ou... Je t'aime comme un éléphant. Ouais. Ben, peut-être, mais moi, je me souviens de certaines choses comme un éléphant. Hein. La grande mémoire, pour moi, c'est bien important. Donc, je vais vous renseigner avec mes souvenirs d'informations que j'ai appris à travers ma vie. Brrr, voici, c'est un fait. On y est arrivé. Quand t'essayes trop, hein? C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. J'en ai pas bien un matin, Jean-Philippe, je gratte les fonds de tiroir de mon contenu aujourd'hui. Oui, mais en même temps,

Sûrement et du Galloper. Oui, le Galloper. Je connais du Galloper. Bon, voilà, ben, on connaît c'est, ça. C'est fait pour bien sonner. C'est le fun. À l'oreille. C'est cool. Même maison. C'était ça pour cet effet. Ah, ben j'aime ça que tu finisses avec ça. Moi aussi. Deux chroniques, c'est un effet de. Genre de vraiment courte depuis quelques semaines. Ouais, mais ben des petits cookies. Des petits cookies. Oh oui. Donc voilà, pour ça, tout à l'heure, on va faire les instructions d'assemblage qui ressemblent pas mal à cet effet, mais qui va vous aider à mieux vivre votre vie. Oui, puis de temps en temps, seulement de temps en temps, on peut avoir une petite crosse. Une petite crosse, oui, ça arrive des fois. C'est croche, ouais, c'est des croches. Mais nous, on vous dit pas de faire ça. Non. On va appeler ça un peu comme le sport, le cross-country. Le cross-country. Ça, c'est vraiment rempli de crosses de campagne. Comment on appelle? Crosses de campagne. Pour l'instant, on retourne en musique. Oui. Et on s'en va entendre nos amis de Mimi Van Der Glo. Oui. Ils sont tellement beaux. Est-ce qu'on a. On avait essayé une nouvelle chanson, hein? On avait essayé une. Je peux te dire, si je suis capable, qu'on avait entendu Accident de char, oui, et Semi tout croche. Qu'est-ce que tu penses si on en découvrait une nouvelle? Nomme-moi un chiffre qui n'est pas la 2 ou la dernière. OK. entre quoi et quoi? 1000. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 1 et 8, sauf la 2 et la 8. OK. La 2. Non, tu m'as dit non, pas ça, la 2. Mets ça dans ta pipe. 6. 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1. Je suis pas bon pour compter. Ah oui, c'est Revenir au début. Ah! Revenir au début de Mimi Van Der Glo. On écoute ça. Non, mais mets la 1 d'abord. Revenir au début. Ah! C'est drôle. C'est comme un roman. Hein, si vous êtes le héros. Oui. Tu le verras dans le miroir. Dans le tiroir. Tu sais les livres qu'il fallait que tu lises dans le tiroir. Comment oui. Qui est pas la Bible. J'ai tellement pris des tours. Maintenant, je sais plus. Comment on fait pour revenir au début? Jouer dans la cour, score et début. Faire le tour de la maison avec une carabine à plomb et chasser des soleils sur tous les carreaux de fenêtre. À vouloir revenir au début. Fumer en cachette avec des amis. Se toucher en écoutant bleu nuit. Sur une cassette qu'on cache en dessous du lit. Tant que ça prenait juste une paire de seins pour s'exciter dans rien. Sans jamais s'attendre à faire l'amour pour de vrai et à se saouler comme un con et à se stoner pour de vrai. Et se perdre à revenir au début de Mimi Van Der Glo. Oh, elle était bonne. Oh, oui. T'es relax, mais t'es bonne. C'est cool. T'as l'air mêlé dans tes fils, man. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? J'ai plus de batterie. Plus de batterie dans tes écouteurs? Ah non! Hey, c'est plus sûr, on est rendu en 2013, on est rendu des batteries dans nos écouteurs, premièrement. Ça, c'est déjà outrant pour moi. Et en plus, ça se décharge pendant l'émission, inacceptable. Oui, mais en fait, c'est comme j'étais pas là jeudi. T'as pas pu redécharger. J'ai pas pu charger mes batteries. Mais j'ai rechargé mes batteries à l'interne. Ah oh, oui! Ma batterie de ton corps. Oui. Des petits liens comme ça. La batterie de ton char! Bono! Ah oui! Le chanteur de YouTube. C'est ça, Charbonneau. Charbonneau. Ah, c'est bon. Jean-Philippe, t'es arrivé quelque chose en fin de semaine, n'est-ce pas, que tu voulais nous raconter en ondes? Oui, écoute, rien d'extravagant. Je pense que ça va être une bonne prémisse à un fail de la semaine. OK, je te laisse aller. Donc, ça veut dire que tu vas l'expliquer avant qu'on dise que c'est un fail de la semaine? Ou est-ce que tu veux que ce soit un fail de la semaine? Ouais, je veux tout de suite avertir les gens que c'est un fail. Mais c'est pas vraiment un fail, c'est juste une anecdote qui n'a pas rapport. Commençons par le commencement. S'il te plaît. Je marchais. C'est avec tes jambes, tu faisais gauche, droite, d'un pas correct. Okay. J'étais avec un ami, et puis on était dans une genre de route. C'est pas une vraie route, c'est comme plus une entrée une grande entrée de chalet, là, mettons, okay. De maison. C'est plus de la garnotte avec un petit peu d'herbe au milieu. Puis à droite puis à gauche, bah, tu sais, il y a des gros arbres, il y a une petite rivière qui passe. Et puis là, on marche, puis je fais « Ah! » Je suis avec Rémi. Puis là, je fais « Hey Rémi, regarde ça, il y a une marmotte. » Tu sais, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais je fais « Il y a une marmotte là, c'est malade. » Puis là, il fait « Ah ben oui, elle est juste là. » Et puis, elle est à peu près à une quarantaine, cinquantaine de mètres. T'sais, c'est quand même loin. Ouais. Mais on voit bien la marmotte. C'est une marmotte, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que là, on se rapproche, puis on fait « Aïe, aïe, elle n'a pas trop peur. » On marche quand même vers elle. Elle fait tough. Oui, c'est ça. Puis plus ça va, plus elle grossit, évidemment. Puisqu'on se rapproche. On l'a fait pousser, notre marmotte. Oui. Donc là, on se rapproche un peu, puis on fait « Voyons, elle n'est vraiment pas peureuse. » On commence ça, elle bouge pas plus que ça, tu sais, on va la flatter. Donc là, mais tu sais, c'était sûr que ça allait pas arriver, qu'elle allait fuir, mais on était là, on essaie de se rapprocher le plus possible de la marmotte pour voir juste c'est quoi sa limite, genre de d'acceptation qu'on est là. Marmotte approchée. Oui, une marmotte approchée en vaut deux. Marmotte approchée. J'ai pas de feuille pour noter mes jeux de mots. Ah, oh, attends, je vais le mettre après. Donc là, on se rapproche. Puis on fait aïe, aïe, c'est vraiment l'hiver qui s'en vient, mais elle est tellement grosse, la marmotte. Elle a vraiment une bédaine, elle a une bonne bédaine. Puis on se rapproche pour finalement se rendre compte que c'était juste une bûche, mais avec l'angle, et puis comme, tu sais, il faisait comme, tu sais, entre chien et loup, là, il faisait pas jour, il faisait pas nuit, mais avec genre l'ombrage que ça faisait, c'était vraiment comme une marmotte. Donc là, on est arrivé au chalet, nous, on trouvait ça vraiment drôle parce qu'on s'était fait avoir comme des deux poufs en cavale. Disais ça? Deux poufs en cavale. Oui, oui. Qu'on écoutera tantôt. Puis là, on la trouvait vraiment drôle. Puis ben, c'est ça, personne n'a trouvé vraiment drôle à part nous deux. Fait que ça a fait un petit peu genre un fret comme un là. Fret. Oh! Hey! Ça se peut-tu? Une bûche! Une bûche, toi! C'est une bûche! Oui! Une chance, t'as pas essayé de la chasser, une chance, t'es pas parti à la chasse à marmotte. Ben oui, ben c'est ça, j'avais mon gun, tout, tu sais. On était à la chasse. Tu sais, c'est la bûche, t'en fais l'autre front. Hey. Elle est bien faite fort! Intuable, marmotte. Intuable. Donc, c'est ça, c'était mon petit fail, pas rapport. C'était drôle, merci. Ouais, c'est drôle, mais tu sais, ça, ce qui est un fail, c'est que c'est pas si drôle. Puis là, après ça, j'ai dit, je pourrais la compter en nombre. Puis tout le monde a dit, hey, compte pas ça en nombre, c'est plate. Fait que là, je viens de me faire 10 pièces. Je t'en donnerai 5 pour m'avoir écouté. Merci. Hey, si tu veux aller entendre Jean-Philippe et deux couilles en cavale, là, ça pourrait fitter à mort, tout ça. À mort. Sinon, vous êtes toujours à Assemblage Requis. Il est 7h59 minutes. Dans quelques secondes, on fera les instructions d'assemblage. Plus tard à l'émission, on aura Maxime Tanguay qui s'en vient avec une nouvelle chronique. Dis-nous le nom de cette nouvelle chronique, Jean-Philippe. Oui, ben écoute, là, il va falloir que les auditeurs soient bien attentifs puisque je vais le dire rapidement. Donc, ça commence comme suit. J'ai du temps pour une chronique. Sauf que là, il y a un jeu de mots. OK, il est où? Puisque, est-ce qu'on explique un peu la chronique à Maxime? Oui, rapidement. Rapidement, c'est qu'il va nous faire jouer de la musique pour étudier. Donc, j'étudie. Verbe étudier. J'étude. le temps pour une chronique. C'est au, c'est évidemment au singulier de la première personne. Oui, tout à fait. Puis c'est Maxime Tanguay. Tanguay, ça c'est pas un tremblé. Pas tant de verbe non plus. Ça. Non. C'est un Tanguay. Tanguay. Tant de verbe. Ouais. C'est un assemblage requis. Et on écoute deux pouilles en cavale. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. 8h03, vous êtes toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Les Jean-Philippe Charbonneau. Et les Mathieu Plante. Mm-hmm, on a du plaisir, on se lève ce matin. Oui. Fun, en direct demain. Ouais. Live. Live en une journée qui semble s'en va ensoleillée. Il y a l'air d'avoir du soleil. Hey, gars, ça, hey, t'as-tu vu ça? Il y a une nouvelle application. Montréalaise, toi. Hein? Montréalaise de météo qui s'appelle Skyline. Qui te dit vraiment en temps réel la météo sur un genre de graphique, c'est super cute. Wow! Skyline. T'avances, tu vois que la journée, il va faire, tu sais, plus tard dans la journée, il va faire 8, c'est le max que ça va atteindre, pour savoir descendre. Puis il y a une petite lune qui apparaît. Super cute! Wow! Quand il y a de la pluie, il y a de la pluie qui tombe dans l'écran. Ah, c'est bien le fun. Ouais, oui. Skyline. Comme ça, si mettons ton bureau n'a pas de fenêtre, oui. Tu branches ton cell phone dans sur un projecteur. Puis là, tu vois ce qu'il fait. C'est wow! Malade. Ouais, hey, je capote. On est plein de ressources. Tout plein. Ben, on vous dira justement tantôt comment utiliser ces ressources-là dans les instructions d'assemblage. Oui. Pour l'instant, on écoute la question. Oui. Une nouvelle entrée du palmarès francophone. Une année de travail. Une année de travail. Et toute une année. Hein. Ouais, prends-en des congés. Pas 8 mois, puis 4 mois sur le congé, du chômage. Non. Ouais. We'll

Retour le voyage au centre du campus avec Laurent Constantin, mais pour l'instant, c'est l'Info Campus. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Jean-Philippe Charbonneau. C'est off un peu. Mathieu Plante. Oui, en effet, c'est pas une question à poser, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est pas Mathieu Plante. C'est Mathieu Plante. Non, c'est le Mathieu Plante. Pas le Mathieu Plante chaud. Non. Pas les palmarès animés par Mathieu Plante. Et Stéphanie Paradis. Oui. Non, c'est juste Assemblage requis, l'émission par défaut que j'anime tous les matins avec toi. Oui. Toi. Quand je suis là. Ben, 5 fois sur 8. Ouais. Jusqu'à maintenant. Pas une pin, pas tout. Non. Je le fais. C'est moi qui fais mes pins. Oui. Oublie pas. T'es malade, Manon. Malade. Voilà. Donc, tiens, on va accueillir Laurent Constantin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. T'arrives dans une émission où on jase, puis on parle, puis on spin, puis on s'interpine et on s'autopine. Non, il y a personne qui spin ça. Non. On va garder ça pour la maison. Ou le hors-onde. Oui, c'est ça. Le hors-onde. Donc, Laurent Constantin qui vient nous faire sa chronique Voyage au centre du campus. Oui, exactement. Ma chronique hebdomadaire. Oui, chronique sur l'actualité du campus. Oui. Ça le dit dans le titre. Et en plus, aujourd'hui, pour la première fois, pour toute la session, je vais vous présenter ma chronique en primeur. Exclusive. On a utilisé du rince-bouche. Scoop! On a utilisé Roy Dupuis, school! Notons-le. Oui, juste peut-être un peu pour rappeler aux auditeurs ma chronique qui sort dans les ondes campus le mardi seulement et je vais la présenter sur les ondes de C'est Fou le lundi matin. Exactement, parce qu'il n'est pas encore sorti le journal, il n'est même pas encore livré. Là. Mais ça s'en vient. Il n'a pas encore fini d'être monté en fait. Alors je peux même pas vous le lire de façon papier. À la place, on va le lire en document Word. Ah ouais, alors on commence comme ça, Voyage au centre du campus. La corporation de la GQTR, une grosse machine en plein essor. Oh, bonhomme, bonhomme. Depuis un an, il y a beaucoup de mouvements à la GQTR. Son offre de services s'est multipliée. Ses ressources humaines ont considérablement augmenté et une réforme de la structure administrative a eu lieu. En visitant sa page Internet, vous réaliserez à quel point elle est proactive en termes d'offres d'emploi. Faut-il croire que l'UQTR est l'épicentre de la reprise économique du Québec? De toute évidence, la GQTR va faire réduire le taux de chômage en Mauricie. Sans rire, quelques raisons expliquent cette petite révolution. De base, l'AGE se définit comme étant une association qui veille à la protection et à la promotion de nos intérêts étudiants. Puisque ici, l'indexation des frais de scolarité s'est faite dans une relative indifférence, on peut dire que l'épineux dossier sur la hausse des frais de scolarité est mort. Ainsi, sans grand bouleversement dans le mouvement étudiant, il est beaucoup plus aisé de plancher sur l'expansion et le développement que de se battre contre des moulins à vent. Les premières pierres de ce renouveau furent l'achèvement du pavillon à la vie étudiante et le renvoi par le conseil d'administration de la directrice administrative. Rappelons-nous qu'à l'été 2012, une enquête avait fait le constat d'une gestion interne corrompue au sein de la GQTR. Les principaux acteurs de ce système étaient la directrice administrative, le gérant de la chasse-galerie et un partenaire d'affaires. Le gérant de l'époque avait déjà démissionné au moment de l'enquête. La directrice administrative, quant à elle, fut renvoyée, mais les détails de ce renvoi, ainsi que ceux de l'enquête, demeurent secrets. Huis clos oblige. C'est donc ce coup de théâtre et le nouvel établissement en prévision qui permirent à l'Association générale des étudiants de passer à un autre acte. Bien qu'on ne puisse réellement attribuer la paternité du pavillon à la vie étudiante à quelqu'un en particulier, un projet qui s'est transmis d'administration en administration, le renouveau de l'association est surtout redevable à un vice-président aux finances et développement particulièrement actif, M. François Arcan, et à son comité d'organisation et supervision des services. Exit les luttes stériles contre Tim Hortons et pour la reprise de la cafétéria. Bienvenue en 2013. Algarderie, organisation d'événements, café bistrot vivant et multifonctionnel, etc. C'est maintenant l'ère d'une AGE efficace et pourvoyeuse de services. profitons de l'accalmie et de la sortie de scène d'Anne-Julie Durocher aux affaires sociopolitiques pour mettre en veilleuse la mission première de l'association. Les rouages de l'entreprise. Après un an sans aucun directeur administratif, ce poste a finalement été affiché. Ce cadre piloterait la gestion de l'association de pair avec la technicienne comptable et l'adjointe administrative. Deux nouveaux joueurs. Fini le temps où la vigilance doit uniquement se faire auprès de deux employés. Sans oublier les autres employés permanents, l'attaché politique, le gérant de la chasse-galerie et la nouvelle éducatrice principale de la halte garderie. Pensons aussi aux autres employés, archivistes recherchistes, graphistes, assistantes gérantes, serveurs, aides-serveurs, portiers, préposés au vestiaire, éducatrices de la halte garderie, directeur général des élections et bientôt un commis aux événements. Il s'agit de ressources humaines assez variées et volumineuses. Pas fou d'avoir un chef pour tous ces Indiens. L'embauche de nouveaux employés fonctionne toujours de la même façon. Un comité est formé de quelques administrateurs et d'un exécutant afin de passer en revue les différentes candidatures. Une fois le poste comblé, le comité est dissous. Il s'agit là d'une des différentes fonctions des administrateurs de l'AGL. De grands pouvoirs et de grandes responsabilités. Le conseil d'administration de la GQTR est formé du conseil exécutif et d'un étudiant de chacune des associations de deuxième niveau. Ceux-ci se réunissent une fois par mois afin de débattre des différents dossiers de l'Association générale des étudiants et de les entériner. Chaque administrateur, avant de siéger, doit signer un document le responsabilisant légalement de ses décisions. Comme quoi, si la GQTR était poursuivie pour un délit impliquant une décision ou une négligence du conseil d'administration, ses administrateurs pourraient être personnellement poursuivis en justice. Par exemple, en ce début de session, la chasse-galerie accueille parfois jusqu'à 300 personnes. À ce point, on a l'impression d'être une sardine qui veut remonter le courant. Après vérification, légalement, la chasse-galerie peut contenir jusqu'à 146 personnes et 70 personnes pour sa terrasse, pour un beau total de 216 personnes. Il arrive donc fréquemment que la limite soit excédée. Or, si jamais un fâcheux événement nécessitant l'évacuation survenait, les conséquences pourraient être désastreuses. S'il était prouvé, hors de tout doute, que le conseil d'administration est responsable, chacun des administrateurs pourrait être poursuivi. À prime abord, je n'ai que de bons mots pour le rendement et le progrès de notre association. Toutefois, quel intérêt étudiant la GQTR tente-t-il maintenant de promouvoir? Le débit d'alcool? Il ne faut jamais oublier de regarder dans le rétroviseur afin de s'assurer de faire les bons choix. La vigilance a bien meilleur goût. Wow, OK. Donc, on va essayer de décortiquer ça un petit peu. On a parlé à la fin des conséquences du dépassement de la chasse-galerie. J'avoue que ça laisse à désirer. Dans le temps, je me rappelle que c'était un petit peu plus renforcé, là, entre autres au 10-12, là, pour le nombre de gens qui étaient présents. Là, en ce moment, ça a l'air un petit peu laissé à soi-même. Oui, mais en fait, au 10-12, la limite est environ de 6 ou 700. Ouais. Pour ça, c'est un peu moins inquiétant. Elle est plus rarement atteinte, mais... Si on regarde ces chiffres-là, quand même, qui sortent des documents officiels de la Régie des alcools du Québec, mais 146 personnes, si on regarde un match d'improvisation... Il y a plus que ça. Ben, ça arrive des fois que ça accote la limite. Donc, cette réflexion sortait surtout du constat du fait que je me sentais toujours marcher sur les pieds. Ouais. Ça veut dire à chaque fois que j'allais à la chasse-galerie... les mardis et mercredis soir. Bon. Mais est-ce que ça se discute? Est-ce que c'est quelque chose qui risque de changer éventuellement? Est-ce qu'on en parle dans les CA? On ne sait pas. C'est ça, c'est une bonne question. Comme je dis, il y a beaucoup de points en huis clos, mais je sais qu'il y a des discussions en ce moment pour essayer de réunifier les deux permis d'alcool, soit de la chasse-galerie ou du 10-12, pour créer pour aussi... Pour pouvoir marcher entre les deux, oui, c'est ça, ce qu'on disait tantôt. Pour que le corridor soit accessible avec nos consommations d'alcool. Corridor le Soulon. la responsabilité du CA, justement, qui fait peur un petit peu aussi pour les gens qui sont dans le CA, déjà que c'est une responsabilité assez... je veux dire, des fois, les CA peuvent finir à 3h du matin à l'AGE, est-ce que j'entends dire? Oui. Donc, si en plus, tu peux être trouvé responsable de ça, c'est pas un peu. Avant ça, on a parlé un petit peu d'un commis aux événements à l'AGE qui s'en vient. Quelqu'un qui va s'occuper des événements, mais pas les mêmes tâches que les personnes socio-culturelles. Non, c'est ça. En fait, je crois que la GQTR veut offrir un service aux associations étudiantes qui veulent faire des activités de financement, c'est-à-dire être compétitif par rapport aux autres offres de bars, soit au centre-ville, soit dans d'autres secteurs à Trois-Rivières. Donc, offrir soit l'affichage, toute l'organisation des parties, mais aussi c'est... Ben, un socio-culturel n'est pas tout le temps à l'aise nécessairement à avec le son, tous les équipements d'éclairage. Donc, ce commis événement-là serait l'expert en la matière. Bonne idée. J'étais bien heureux d'en apprendre plus sur comment fonctionne la GE. Entre autres, les employés permanents. Il y a bien des gens qui ne savent pas qu'il y a des employés permanents à la GE. Oui. Dont François Landry, qu'on a comme chroniqueur ici. Donc, il faut le dire. Non. Nadjuli n'est plus dans la GE. C'est ça. Et est au son campus. Oui. On a parlé un petit peu du combat que la GE avait avec, contre le Tim Hortons et la cafétéria. Donc, tu me dis que c'est terminé, ça. Il n'y aura plus de. On essaie de prendre la cafétéria. Ah, il y a à peu près. Je sais qu'il existe encore un comité à la reprise de la cafétéria, mais on m'a assuré que ce comité-là est mort depuis environ 2 ans déjà. Oui. OK. Et pour terminer, le pavillon à la vie étudiante qui a commencé ta chronique tantôt, on va faire la visite dans les prochains jours. Je crois que ça s'en vient. Je pense que c'est mercredi, oui, le 18. Le 18, ça va être plaisant. Hot dog, hamburger gratuit, coupage de ruban. Oui. Surtout le coupage de ruban. Ouais. Puis pour notre côté, peut-être une pelletée de terre pour le déménagement. Au moins les premiers à boire. Peut-être. Est-ce que je t'ai dit qu'il faut absolument qu'on fasse cette idée-là? Faut qu'on prenne mon iPhone, mettons, là, puis qu'on fasse une parade de déménagement de C'est fou, OK? OK. Puis la vidéo, c'est nous autres, on prend la boîte et on amène la première boîte au bureau. La boîte. Ça la dure 15 boîte. Secondes parce que c'est juste à côté, puis c'est ça la joke. T'sais. OK, bon, on fera un comité pour savoir c'est quoi qu'il y a dans la boîte. OK, parfait, oui. Chacun met un article dans la boîte. Oui, OK, représentatif. Vous pourriez quasiment mettre des rails entre un et l'autre. Oui, ça serait pas pire. Hey, c'est une bonne idée. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais métro, je pense que c'était métro Steinberg. C'était Steinberg. Steinberg, tu recules loin. Mais j'étais très jeune. Mais on avait ça chez nous. Il y avait on pouvait prendre la commande à l'auto. Okay. Mm-hmm. Tu faisais ton épicerie, puis là, ils envoyaient ça dans des bacs avec des trucs roulants. Oui, oui, oui. Chez métro, près de chez moi aussi. Ouais, c'était écœurant. Fait qu'il faudrait prendre ces rails-là. Okay. Ouais, ensemble, loisir. Ouais. ça marche plus, ce genre de truc-là. Génial. Donc voilà, on a fait le tour de ta chronique pas mal. Oui. Laurent Constantin, voyage au centre du campus. On te retrouve tous les lundis à 8h30. Exactement. Et tu fais un beau travail, un vrai journaliste d'enquête. As-tu vu ça, ce gars-là? Mm-hmm. Il est bien avec son petit calepin et sa calotte, puis le journaliste. Merci encore. Je vais essayer de vous surprendre à chaque fois. Oh, oui, c'est oui. Réussi. pour l'instant, avant d'accueillir notre prochain chroniqueur, qui est Maxime Tanguay à 9h. Oui. Avant ça, on va écouter une pièce que Laurent nous a choisie. Avant de te laisser partir comme ça, tu nous as choisi un petit peu de Gros Méné. Oui, exactement. La chanson Ovechkin pour souligner la saison de hockey qui est imminente. Ouais. Ça sent la coupe! Dès le départ. On est allé en prolongation, c'est sûr qu'on gagne. C'est les sinusites qui te font mucuser comme ça, mais ça sent la coupe. Ça sent la coupe. J'ai pas pris le chien dans mon pool. J'avais le choix entre Perry pis Stamkos. J'ai pas pris le chien dans mon pool. J'aurais dû prendre le chien. We'll be right back. Ma blonde me montre les billes en pleurant. Plus de job, plus de chômage, plus d'argent. J'ai pas pris le risque dans mon c'était Gros Méné avec une pièce de l'album Agnus Dei. C'était Ovechkin qu'on a passé pour Laurent Constantin qui voulait dédier ça au début de la saison de hockey. De hockey. Hockey. Faut dire ça avec un hockey. Hockey, c'est comme l'autre fois quand j'ai dit, c'était quoi? C'est quoi j'avais dit avec un R? Ben t'as fait, ben voyons, j'ai t'as bien le hockey. Le hockey. T'as le hockey. Ça fait des beaux mots, des beaux bruits de gorge. Oui. Qui, toi, sortent mal à cause de ta sinusite. Ouais, c'est ça. Fait que ça aide pas à la qualité sonore de l'émission. Ouais. Mais bon, on a refait le filage. On a refait le filage, fait qu'au moins, on entend bien ta sinusite en ondes, je trouve. Exactement. Dans la console, c'est filtré là, ouais, comme jamais. Trois fois. Là. Ouais. C'est comme d'assainir. Comme la bière filtrée trois fois. Pour avoir un meilleur goût. Hein? Oui, JP. Ça a bien du sens, JP. Ah, Maxime Tanguay. Maxime Tanguay. C'est plus là. Non, mais... Qu'est-ce que c'est ça? Non. J'étais pas là, hein? Ouais. Nous, on était là, puis on comprend pas plus. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que tu files ta vie à trois fois qu'elle est meilleure, le calvaire, là. C'est pas vrai, là. Non, je sais. Je suis vraiment. Je commence. Au début, je trouvais ça drôle. Les grandes compagnies commençaient à faire à nous autres ici. On a des techniques, puis on prend des vrais grains. Puis là, je commence juste à être fatiguant. Là. C'est comme, bah, regardez, vous ne ferez pas voler votre marché. Là. Fait qu'arrêtez donc. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, arrêtez de dire aux gens que nous autres, on prend vraiment du vrai grain qui n'est pas du maïs et on file trois fois. Fait que ça fait que c'est meilleur. Non, ça fait que c'est juste moins brouillé. C'est ça. Puis que tu vas continuer d'acheter de la Pabst Blue Ribbon pareil. C'est ça. Pour le prix. Ouais. Voilà. Mais tout ce que tu as à faire, c'est facile. Tu mets ta Pabst dans ta machine à café, tu mets ton filtre, ça passe trois fois. Waouh! Et voilà. Génial. Un vrai goût franc et authentique. Quand est-ce que tu pars ta microbrasserie? Ah, c'est déjà fait. Ah! Oh. Dans une radio, puis en plus, tu appelles ça genre la microbrasserie. Micro. On la pogne. Moi, je la pogne. Ben oui, j'espère. Ça veut pas dire qu'elle est drôle, mesdames. Non, non. T'as juste à s'intoniser 89.1 pour la pogner. Ça m'a fait sourire. La pogner? Non, ouais. On va n'importe où. Tu nous as manqué, Maxime Tanguay. Ah oui, mais moi, je me suis ennuyé. Non. Oh. Pour vrai. Oh. Ben, on va te laisser patienter encore un petit peu plus parce qu'on s'en va entendre une dernière pièce. Après ça, la pause, puis après ça, on revient. Genre, ça va. Donc, on s'en va entendre Mister Valère, JP. Ah oui. Puisque. Raise the roof, comme dirait Maxime. Tu reviens de là, toi? Non, copine revient de là. T'as pas pu? J'ai pas pu. Mais je les avais vus au centre filles. Oui. Tout comme toi, mais pas le même soir. Non, le jour d'après. Et voilà. Ou d'avant. D'après. Okay. Le jour d'après, comme le film. Comme le film. Puis semble-t-il que c'était mental. Là, ah, c'est sûr que oui. C'était à l'Impérial de Québec, t'es allé? Non, je suis pas allé. T'es pas allé? Mmh. Ah non, sinusite. Sinusite. Tu pleures des yeux, là. Mm-hmm. OK. Je pleure de partout. Il a dit, j'y vais pas. Don't get là. Vous êtes Assemblage Requis au 89.1 FM. Micro-ondes. Les micro-ondes. Comme les petites ondes. On parle. Comme la pub. C'est ce que je fais. Au retour, la nouvelle chronique musicale de Maxime Tanguay. J'ai-tu de temps pour une chronique? Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Puis lui, ben, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Hein. Puis l'autre, ben, c'est Mathieu Blanc. Ben voilà. Ah! Ben voilà. Et celui qu'on accueille à l'instant, c'est Maxime Tanguay. Maxime Tanguay qui est de retour dans l'équipe, dans les requins. Wouh! C'est comme le hockey, puis c'est comme le baseball. Join the team back again, you know? Ah oui, ils font ça dans le... Back on the team. Des fois, tu peux réaccueillir du monde qui était parti. Ça, ah, OK, oui, oui. Ben, comme Francis Gouillon ou... C'est ce que j'allais dire. J'allais justement mentionner l'exemple de Francis Couillon. Ouais, c'est ça. Mouillon. Trouillon. Louillon. Louillon. Okay. Lyon. Lyon. Okay. Du bouillon Francis de requin. Lyon. Bouillon. Du bouillon ben, de oui, requin. C'est pas de la soupe au requin, ça devrait être bon. Avec la nageoire et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Il paraît que c'est rendu illégal. Tu sais que tu parles présentement à quelqu'un qui t'en maîtrise la science de l'environnement. Fait que c'est pas le genre de truc à dire, genre que je vais tuer un requin juste pour avoir sa nageoire. Okay. Ben, dis-nous le nouveau titre de ta nouvelle chronique, comme un chasseur de requins dans son bateau dans Deadliest Catch, s'il te plaît. Ça, j'avais espéré que t'avais oublié que tu me faisais faire jamais ça jamais de la vie. Veux-tu le temps pour une chronique? Hein? Bouya, bouya, bouya cacha. Donc Maxime Tanguay qui peut-être un jour aura une nouvelle trame de chronique, mais pour l'instant c'est oui, ben oui, je vais y travailler en fait. Elle est très bonne, mais plus dans le thème, ben parce que c'est très. Ça bouge trop. Ça bouge trop, c'est accrocheur et tout, puis c'est pas tant ce que je recherche. Je veux soit plate, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Okay. Moi, je veux que les gens s'endorment au milieu du disque. J'aime ça. Ben, raconte-nous un petit peu l'idée derrière ta chronique. On a compris le titre, c'est J'ai-tu le temps. Ouais, c'est ça, d'une chronique. Ok. L'idée derrière ça, c'est comme je viens de le mentionner, je suis rendu à la maîtrise, et à la maîtrise, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail seul avec un ordinateur, généralement, des papiers et tout et tout. Et c'est donc quelque chose qui va m'amener à écouter de la musique beaucoup plus d'études. Donc, la musique que je vais écouter en étudiant ou en travaillant, dans le fond, que moi, je qualifie comme une musique qui a moins d'accroche que des, mettons, j'irais pas me taper, non, peut-être Mr. Ballard, mais mettons, Xavier Caféine. Okay, bon, ouais. J'écouterai pas Xavier Caféine en essayant de me concentrer sur quelque chose. Parce que tu vas commencer à écrire les paroles. C'est ben, exactement mon problème. Tu fais ça pour moi? Oui, ça m'arrive. Tu sais, t'es là, t'es concentré, t'étudies ou tu tapes un texte. À un moment donné, tu fais OK. Là. Ça peut, ou tu perds le fil parce que là, c'est ton bout. Tu dis que je suis tombé un bon auteur. Oui, c'est ça. Et c'est justement ces accroches-là qu'il faut essayer d'éviter quand t'étudies. Parce que dans le fond, en ayant, ben, tu décroches, tu dis la tune est bonne, je vais l'écouter. Puis finalement, tu reviens à ton texte. Je t'ai rendu où? Oh mon Dieu, je vais couler. Puis là, t'es chou ta maîtrise. Ouais. C'est vraiment pas le fun. Là, puis tu finis dans la rue. En tout cas, bref. Wow! C'est pour éviter tout ça. Ouais, c'est un build-up. Hein. Quand même, c'est dramatique. C'est très dramatique. Vrai, on pourrait te donner un jutra. Écoute, la cause du sans-abri étudiant qui a écouté du Xavier Caféine en étudiant, ça rime en plus. Oui. Veux-tu une meilleure cause que ça? Vision mondiale. Vision. Donner généreusement. Oui. Oui. Ah, vision mondiale. Bref, donc voilà, c'est le but de ma chronique. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir, ça va varier. Là. Ce ne sera pas tout le temps de la musique ambiante. Super tranquille avec des petits oiseaux qui chantent et tout. Ça va quand même varier. Il va parfois avoir des groupes peut-être avec paroles quand même et tout. Mais je vais essayer de viser le plus grand nombre d'étudiants. De ce que j'ai entendu de mes amis, parce que mélomane, je parle souvent de musique avec mes amis. Du moins, je leur impose qu'on parle de musique. Et de voir de qui, des fois, va écouter peut-être... Il y a vraiment du monde qui va écouter de la pop. Là, je le ferai pas, mais il y en a vraiment qui c'est de la pop qu'il faut qu'ils écoutent en étudiant. Moi, je vais y aller avec plus l'étudiant moyen. Donc, on va y aller de quoi, des fois, de très, très, très ambiant, des fois, de quoi, de peut-être un petit peu plus concret. Donc, on va se promener durant la session. Et la première... premier groupe, premier album. Je vais plus y aller en album pour la session, à moins que ce soit vraiment un groupe qui fait que ça. Le premier groupe que je présente, c'est Boards of Canada. Qui vient de sortir en juin son quatrième album de studio. Et Boards of Canada, c'est un duo écossais. Dans le fond, c'est deux frères qui s'appellent Michael et Marcus Eowyn. Je crois que c'est vraiment Marcus Eowyn, c'est son nom, son prénom à lui. et Sandison, leur nom de famille. Donc, duo écossais qui tiennent leur nom des documentaires qu'ils ont écoutés au Film Board of Canada. National Film Board of Canada. C'est, en français, c'est... L'Office national du film. Exact. Exactement. Du Canada. Voilà. Du Canada. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été chercher dans le Boards of Canada, parce qu'ils se sont inspirés beaucoup des documentaires qu'ils ont écoutés. C'est pas les planches de leur chalet au Canada, en Saskatchewan, où ils passent l'été. Non. Non. Ça serait du bois rond. Oui. Parce qu'il y a une grande rumeur qu'ils n'auraient pas de chalet en Saskatchewan. Ah, donc, ah, ah, mais voilà, donc, et étonnamment, c'est une musique qui, moi, le géographe en parlant à moi, je trouve que ça fit avec le Canada. Le genre de musique, avec les thématiques plus nordiques, les vastes, mettons le nord du Canada, où on a souvent des plaines, des vastes étendues sans nécessairement de végétation. Je trouve que Boards of Canada, ça s'écouterait bien, là. Fait que mais c'est pas long et plate. C'est pas long et plate. Non, mais il faut faire attention. Il faut que les gens comprennent. Mais le nord n'est pas long et plate. Non. Je m'excuse. OK, je m'excuse. Mais je m'excuse au nord si je l'ai dit et que les gens pensaient ça. Donc voilà, ils ont 4 disques pour l'instant. Music as the Right for Children en 98, Geogalia en 2002, The Campfirehead Phase en 2005 et finalement Tomorrow's Harvest qui est sorti donc cette année. Vous voyez qu'ils sont pas très très productifs là. Généralement, ils se concentrent énormément sur un album avant de le lancer. Ils sont plus comme genre ils s'emmerdent Board of Canada. Board B-O-R-D. Ouais, c'est donc Tomorrow's Harvest, donc qui est leur nouvel album, c'est le premier album qu'ils ont lancé en 8 ans, donc c'est quand même c'était franchement attendu. Et les critiques à date sont unanimes comme quoi que c'est un album, c'est un beau petit bijou. Et je suis d'accord avec ça, de dire que Tomorrow's Harvest est un beau petit bijou. Eux autres se concentrent sur une musique qui est ambiante, qui est très down tempo, donc qui est très lente justement, tant dans la rythmique que dans le développement des chansons. Souvent c'est une chanson qui va évoluer durant sa durée, qui vont tout le temps rajouter un petit élément de plus pour faire un portrait global vers la fin de la chanson. Et donc, c'est des chansons qui m'inspirent beaucoup des trames de films, justement, comme leur inspiration et des films documentaires. On sent déjà que le côté très cinématographique est présent dans certaines pièces du groupe. Et même, je dirais, en fait, dans l'album en tant que tel, surtout Tomorrow's Harvest, les trois autres, je les ai malheureusement pas écoutés. J'ai écouté quelques extraits ici et là, mais j'ai pas écouté au complet. Mais Tomorrow's Harvest, on sent vraiment que c'est quasiment comme une trame, parce qu'il y a plusieurs pièces qui vont être de transition. Donc, des pièces courtes, 1 minute 50, 2 minutes, 2 minutes 15 parfois. Si j'en nomme quelques-unes, il y a Telepath, Collapse, Eurytual, qui sont vraiment des pièces où c'est vraiment juste ambiant. Mm-hmm. C'est vraiment juste des sons qui vont nous amener tranquillement vers la prochaine pièce un petit peu plus complète. Et dans ces pièces-là, on a entre autres Sick Times, Reach for the Dead, Jack Ward Causeway et Palace Posse, qu'on va aller entendre tout à l'heure, qui sont des pièces, par contre, qui ont un petit peu plus de matière, des pièces plus longues. Il y a plus d'éléments. Il y a quand même toute légère accroche malgré tout. Là, on peut pas. Okay. Il y a quand même un petit peu plus d'action. C'est comme dans 24 où tu as Jack Bauer of Canada. Jack Bauer. Bauer. Hey, je te vois travailler fort, Mathieu. Puis honnêtement, moi, ça me fait sourire. Merci beaucoup. C'est super cool. Et donc, c'est ça, c'est des pièces plus complètes. Il va quand même avoir une mini accroche. C'est pas dépourvu, c'est pas que de l'ambiant. Il y a tout le temps quand même des petites choses qui vont venir, qui vont se répéter. Mais ça reste que c'est jamais trop pour déconcentrer. Donc, c'est vraiment... moi, je vise les étudiants avec cet album-là. Je le conseille aux étudiants qui aiment ça, des musiques calmes, qui aiment ça, des musiques instrumentales, donc dépourvues de paroles complètement. Qui a quand même, comme j'ai dit, quelques petites accroches ici et là, que c'est pas que de l'ambiant, là, comme peut le faire des Bass Communion ou à la limite Godspeed You, qui est vraiment très, très, très, très éclaté dans le style. Les thèmes que je ressens dans la musique, c'est donc le film, le cinéma, l'hiver, la nuit, la nature. La nature, quand je le dis, c'est pas... Il y a pas de bruit d'oiseaux, puis de lac. De marmotte. De marmotte. Ce serait franchement bizarre. Non, c'est beaucoup parce que c'est organique. On sent qu'il y a... Je sais pas, vous allez peut-être le comprendre en entendant la chanson, mais c'est très organique. C'est vaporeux, mais ça ne l'est pas en même temps. Il y a quand même une accroche sur terre quand ils vont dans leur musique. On dirait que c'est vraiment genre je farçais pas en disant que j'aimerais ça dans le nord du Canada. Mais écoutez ça. Il me semble que ça fitterait avec ce décor-là, ça fitterait avec l'ambiance présente dans la nature. Donc, c'est des thèmes qu'il y a dans l'album. C'est un album de 62 minutes environ. Donc, quand même, permet de pas changer de disque pendant un bon moment. Là, c'est quand même. C'est pour ça que t'es choisi. Changer de disque, une demi-heure, changer de disque. C'est plate. Donc, voilà, moi, je vous propose Palace Posse, qui est une des chansons un peu plus. Probablement la chanson la plus accrocheuse du disque, mais qui l'est quand même pas tant. Fait que vous allez pouvoir voir. KJ après ça. Comment? Gager. On va pouvoir gager. Gager, ouais, voilà. Mmh. Voilà, comme on fait dans les garages. Ouais. Wow. On gage l'huile, puis on gage le portefeuille du client pour. Ouais. Il fait des petites... Des petites... Ouais. C'est dans la chronique « J'ai-tu... » J'ai-tu le temps pour une chronique? J'ai-tu dit que c'était bon comme nom? J'ai-tu dit que... Oh. Oh. Et tu me fais rire. T'es génial. Tu me fais rire. T'es bonne, là. T'es aussi bonne que... Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était la chanson Palace Posey du groupe Boards of Canada. C'est ça, je le disais pendant l'écoute. C'est un groupe qui m'impressionne beaucoup parce que c'est quand même très aéré comme musique. Ouais. Mais il y a tout le temps, si on l'écoute ça dans des écouteurs, tout le temps quand même, c'est complet. C'est pas vide, mais ça donne l'impression que c'est rempli. Qu'est-ce que tu disais que ça te donnait comme effet, toi, d'entendre la bass qui fait du doing, doing? Ah, c'est dans le pelvis. C'est ça. Et moi, Elvis Presley, je trouve que ce serait un excellent nom de groupe. Pelvis Presley. Surtout que Pelvis Presley, il travaille beaucoup avec son pelvis. Oui, c'est exactement ça. Son c'est littéralement. Ouais. Ouais. C'est posé comme joke? Oui. Posé. Pas pire. Posé. Oh. Palace Posé. Pelvis, c'est Shovel Screw en anglais. Ah, qu'on est fou. On est fou, Red. T'as fait une remarque, Jean-Philippe, tantôt. Oui, là, mais j'explorais un peu la pochette, puis j'ai été vraiment heureux de voir qu'ils ont pris le temps de faire un petit livret. Ben oui. Avec les paroles. Ben oui. En fait, il n'y a pas rien, puisqu'il y a des belles photos, mais il n'y a pas les paroles. Parce que c'était instrumental. Les photos, t'as fait un bruit avec ta bouche. Les photos présentent bien aussi l'ambiance que dans le disque. Oui, c'est tout le temps une espèce de semi-fantomatique, semi-brouillard sur les photos. C'est parce que c'est ça, si je te donne le livret tout simplement sans voir la musique, c'est vrai que tu fais comme bord, tu sais, c'est correct, là, les photos c'est vieillot un peu, ouais. Mais je disais que c'était beau, c'est vrai que ça fitait avec le style de la chanson. Puis, et même, il y avait une théorie, les gens disaient, parce que sur la pochette même du disque, c'est la ville de San Francisco, si je me souviens bien. L'horizon de la ville de San Francisco avec un immense brouillard qu'on peut peut-être considérer comme du smog. Et avec des titres de chansons comme Cold Earth, Sick Times, Reach for the Dead, les gens ont dit en entrevue à bord, ils nous ont demandé est-ce que c'est un album un peu environnemental, environnementaliste que vous avez fait, avec un petit message peut-être. Puis les gars étaient non, pas en tout. Ça vraiment juste à donner le même. Trop, mais ouais. Ça peut facilement être interprété comme ça, là, vu tout l'enrobage autour de l'album. Puis même quand ils l'ont lancé, l'album, il y avait beaucoup de messages codé qui est envoyé un peu partout, okay. Avec des singles qui est envoyé sur des disques vinyles. Puis les gens savaient pas ce qui se passait, puis à un moment donné, bang, dans deux semaines, notre album sort. Fait que ça a comme trois. Ah, c'est le fun. Ouais. J'aime ça. C'est le fun quand l'enrobage fait autant parler les gens, un peu comme un enrobage feuilleté dans un Hot Pocket, sauf que dans ce cas-ci, c'est un Hot Pochette. Une Hot Pochette. Oh. Hot Pochette. Là, là, là, là. Mais une chose qui est difficile à faire, par contre, c'est de parler avec un enrobage feuilleté dans la bouche. Oui. Ça, c'est épouvantable. Et le centre est tout le temps froid. Oui. Je comprends tellement ce que tu vis. Ouais. T'es incroyable. Ouais. Merci. Mets de la crème. Mets de la craigne. De la craigne. Mets de craigne, rien. Donc, on est prêt pour entendre une deuxième chanson de Boards of Canada. Ça va me faire plaisir. Écoute, on va y aller avec le premier extrait de l'album. Parce que oui, même si c'est un groupe et un peu dans les vapeurs, il y a quand même des singles. Et c'est Reach for the Dead, la deuxième pièce de l'album. Il y a une vidéo pour ça, si je me souviens bien. Si vous allez voir ça sur YouTube, Reach for the Dead, il y a une vidéo. Puis voilà. Good! On écoute ça. Good! J'ai-tu le temps pour une chronique? Ben, zin que j'ai le temps. Hey, c'est bon, hein? Oui. Mais, hein. Pour vrai, là, moi, j'aime beaucoup ça. Puis ça, c'est un exemple de pièce qui est quand même plus, plus complète. Là. Il y a plus de c'est une chanson en tant que telle. Ben, une pièce de musique, c'est pas une chanson, parce qu'il n'y a pas de parole, je crois. J'en ai pas entendu. Nous, on parlait tout le long par-dessus, ça parlait très bien. Oui. Pour vrai. Mais oui, puis ça nous a mis, on a eu une discussion profonde. Oui, là. Oui, on s'est confié sur la vie. Ouais, ouais, ouais. On prend toujours un studio. Ah, j'aime ça. Fais attention, parce que si Joselito écoute, il va te poursuivre. Ah, ben. Joselito micro. Ah! Wow, génial. Qui me poursuive, lui, il peut juste me poursuivre en train, moi, je vais passer par d'autres chemins. Oh, c'est incroyable. Une explosion d'humour. Oh, attention, oh, avec un train. Oh. Hey, tu tank? Tank? Explosion. Incroyable. Oh boy, il y a des gens qui sont vraiment pas tankful présentement. Donc, c'est une pièce quand même qui est plus vaporeuse, là, qui est accrocheuse, mais très vaporeuse. Donc, je pense que vous avez pu avoir les deux exemples d'une chanson qui est un peu plus ambiante, laissée aller comme Reach for the Dead, puis autant de chansons qui étaient un petit peu plus rythmées. C'est l'essence même de l'album, je pense. Ouais. Essence. Essence. Oh, OK. Je décroche pas. Hey, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Mmh. Toi, on dirait que t'as tes rêves, t'en décroches jamais. Hey, oui, on est inflammable. Quand tu nous pars, hey, après ça, ça arrête plus. Hey, c'est horrible de faire ça présentement. Je veux pas participer à ça. Trop tard. Oh, là, là. Bref, voilà. Donc, Birds of Canada, si vous aimez ça, allez écouter leur musique sur Internet. Et sinon, je vous conseille fortement de vous procurer leur musique. Oui. Oui. Parce que c'est le fun. Ça, c'est le cas. Nada. Ouais. Nadar ça. C'est le cas, Nadar ça. Canada. Ouais. Canada. Canada, ça. Oh boy. Et on vient de faire plein de bons moments. Oui, c'est ça. J'ai comme trop de notes à chercher. Je cherchais le lien avec le tennis. Moi, parce que je pensais que tu disais Nadal. Nadal. Non. Non. Moi, je dis plus rien. D'ailleurs, je vais ouvrir ma bartende parce que j'ai vraiment la dalle. OK, wow, ça arrête plus. Merci, Maxime Tanguay. On est très heureux de te revoir. Hey, mais je suis très heureux de vous voir. Et de vous revoir, parce que bon, okay, j'avoue, je touchais Jean-Philippe tantôt. Bon, ah, t'es un peu loin de me toucher. Hein. Ouais. Ouais. Quoique. Non, pas de blague sur mon énorme membre. Mais non, mais avec la nouvelle Formule Studio, mais je pourrais, tu sais, me rapprocher puis te toucher sans éviter de comme péter à console. Pense la première moitié de la chronique avec JP puis l'autre moitié de mon côté. Ah, d'accord. Ou une semaine. Garde partagée, exactement. Oui, une semaine proche de moi. Ouais, c'est pas très bon. J'aime ça. Hey, mais en passant, si t'es tanné de manger ta bartendre, tu peux prendre toujours un Ferrero Rocher. Fédéraire. Ouais. C'est une blague de tennis, ça? Oui. OK. Oh, oh. Je pensais que tu parlais de ferroviaire encore. Hein? Non. J'ai fait un jeu de mots sur David Ferron et Ferronvière hier, puis ça n'a pas vraiment marché. Par contre, Stéphanie faisait une présentation Tupperware et elle disait qu'elle parlait de son frère Tupperware, donc je l'ai appelé son Tupperware. Tupperware. On fait comme les meilleurs moments de nos jeux de mots de la fin de semaine. Chronique au complet, ouais, c'est ça. Mais quand est-ce que ça va arriver une chronique uniquement des jeux de mots? Ben, c'est tout le temps ça. C'est ça, les. Ouais, ça s'appelle l'assemblage requis, ouais. Ça s'appelle la sang. C'est une chronique de 2 heures tous les matins. Exact. Ouais. OK, d'accord. Hey, merci les gars. Hey, merci à toi. Ça fut très plaisant. Oui. Ah oui, on a eu du plaisir. Ah, wow. Je déborde de plaisir. Ouais. Un peu comme nous débordons de presque fini l'émission, dans le sens qu'il reste pas grand temps, on se comprend. Donc on va l'entendre Summer Lovin' de The Danks tout de suite, puis on revient pour se dire oh, bye-bye. OK? Oui. Ouais! Ouais! Yeah. The Danks avec Summer Lovin'. Oh oui! Non, c'est pas moi qui fais ce son-là, c'est le gars. C'est moi, c'est mon nez. C'est tout pour Assemblage Wiki aujourd'hui. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 en direct à 7h30. On remercie Laurent Constantin. Oui. Pour sa chronique Voyage au centre du campus. Maxime Tanguay pour J'ai-tu le temps d'une chronique? Merci. Ça m'a fait plaisir. Carlin, c'est le fun. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. Restez sur nos ondes pour le dîner de con avec Denis Janvier qui s'en vient à 11h. Je crois que Maxime va être dans cette émission-là. Ben oui, je pars tout, moi, le lundi. Incroyable. Ensuite, suivrons. Ah, c'est aujourd'hui que ça commence, Les Précieuses Ridicules, la nouvelle émission de Filles, magazine culturel, donc à 13h. Ensuite, la rediffusion des Panoramas Info édition New Shit à 17h. Et puis à 19h, c'est le retour du Voyage Insolite, culture rock, cinéma et littérature fantastique. Puis à 20h, Rock de Neurone, l'émission de rock progressif. Voilà. Demain à l'émission, on aura Charles-Antoine Rioux et sa chronique plein air du club plein air UQTR. Angélie Durocher qui va partager son coup de cœur de la semaine dans l'index d'Angélie et Alexandra Carignan et sa chronique d'art et spectacle Temps d'une culture. Elle est fine, elle. Mais ça. Elle est belle, elle est fine. Elle est tight. Elle est tight. Comme tu nous as dit, qu'on ben dit oui. Les détails. Tu peux on a cité. Ouais, c'est ça. C'est une citation. En voilà. Guillemets français. Là. Oui. Ben, ouais. À demain. À demain, Mathieu. Pelvis Presley, non, l'émission de jour. Oui.